la mienne. Speak, speak, speak. Reste seul, c'est mieux, et t'oublies quand ils voient délire ses dessins. Les vrais, c'est ceux qui oublient de nourrir pour pouvoir nourrir les siens. Pour une paye, l'hiver, ça guette assis. Une taille, ça la partage à 6. Capuché à la station, une veille m'a fait une action de raciste. Tu connais, il faut tasser, tasser. Investir dans un fusil d'assaut. T'as fait la dinde quand t'es passé. J'oubliais de te dire gros que basso. Wesh papi, c'est pas beau. T'oublies ton pote quand il est en cavale. Pendant qu'il est en chien qui dort dehors. Toi tu sens le pack au rabanne. Plus d'amitié, plus de respect. Si tu m'aimes pas, je te force pas à rester. Plus de cœur, plus d'humanité. Ils cherchent tous à se faire valider. Les blanco, lunettes quartier. Et comme le Covid, moi je suis de partout. Personne me relève quand je suis par terre. Pas trop, moi je garde tout. Renard 180, ouais ça joue avec le frein. Dans la rue y'a peu de frères. Ouais là mais fier que ça devrait. J'suis plus à bagarre, j'ai 32 ans. Mais si tu me cherches te rends dedans. Et quand tu fais le mal le bon Dieu te prend. Et quand tu fais le bien le bon Dieu te rend. En chien ça veut des Rolex, du Gucci, des Osmar. On veut croire en nos rêves parce qu'on vit des cauchemars. J'porte mes coraux comme un blunt. J'mets un bon rouge dans le blunt. La chatte à tous ceux qui nous pistent. C'est nous on te fait rap sur le stunt. Petit string, ficelle, tube des beats. Vissa le sourcilo, Pinel direct l'eau. Vital, j'sors le bang. Pas de gang pour les dingues, pas les dingues. Instru de ce gang, on la zinc. Le J, le speed pour la jungle. Comme ton père, j'fume le terre. J'porte pas de boulard, j'reste fier. Là c'est tout droit, nique des mères, des repères. Et j'opère, et tout solo. Moi si j'tombe, j'assume. Faire des kilos, j'suis pas fait pour la suce. Mets le ventilo, si tu sens que t'en peux plus. Reste tranquilo, ou ça te casse le cul. En chien ça veut des Rolex, du Gucci, des Osmar. La la la, la la la. On veut croire en nos rêves, parce qu'on vit des cauchemars. La la la, la la la. En chien ça veut des Rolex, du Gucci, des Osmar. La la la. La la la. On veut croire en nos rêves parce qu'on vit des cauchemars. La la la. La la la.